Ce fut un tournant dans l'histoire du maoïsme à la française. La mort, en 1972, aux portes d'une usine Renault d'un jeune ouvrier, Pierre Auvernet. Un tournant, oui, exactement comme si la mort n'avait jamais été envisagée dans ce grand jeu social qui, depuis la fin de mai 68, opposait des jeunes gens révoltés et sincères aux gardiens de l'ordre. La mort. Soudain, pour les Mao comme pour leurs supporters, membres de la fine fleur de l'intelligentsia française, quelque chose a changé. Quelque chose qui pourrait s'appeler la responsabilité. Monsieur X a entrepris la semaine passée de raconter cette histoire née du foisonnement de mai 68, lorsqu'une poignée de brillants élèves de l'école normale supérieure a découvert que le soleil se levait à l'extrême est, à l'ombre du grand Mao Zedong, qui venait de lancer 2 ans plus tôt la révolution culturelle, un formidable coup de pied dans la fourmilière communiste chinoise. Paradoxe. C'est au moment même où ce grand chambardement se termine en Chine et où les gardes rouges vont être victimes d'une terrible et sanglante répression que ces intellectuels s'entichent du modèle maoïste. Il en résulte la création d'une organisation, la gauche prolétarienne, et toute une série d'initiatives originales dont la moindre n'est pas l'établissement, c'est-à-dire l'immersion dans le monde du travail, pour être au plus près des réalités de la condition ouvrière. Et c'est justement dans une usine que le drame a surgi. Inutile d'y revenir, mais je vous ai dit que l'usine Renault de Boulogne-Billancourt était devenue un symbole. La citadelle ouvrière de l'île Seguin. C'était aussi une sorte de thermomètre. Hein. Ne disait-on pas que lorsque Boulogne-Billancourt toussait, c'était toute la France qui s'enrhumait? Oui, hein. Oui, parce qu'en même temps, Renault, société nationale privatisée à la libération, était aussi un modèle social. Mais si les Mao de la gauche prolétarienne en avaient fait un symbole, c'est aussi parce qu'ils avaient des comptes à régler. Avec qui La CGT, et donc le Parti communiste. C'est à Boulogne-Billancourt, en mai 68, que la CGT avait mis fin aux illusions d'une lutte commune étudiant-ouvrier. Et les gauchistes n'avaient pas oublié. Ils ont donc fait porter une partie de leurs efforts de propagande sur Renault. Ouais. En y implantant là, des établis. Des militants qui, non sans courage, ont tout abandonné pour travailler à la chaîne. Ouais. Et en même temps, semer les graines de la révolution. Bien entendu. Tout cela s'est passé dans un climat d'extrême violence. Les Mao n'hésitent pas à affronter les contremaîtres, les gros bras de la CGT et les membres du service de sécurité de l'usine avec des manches de pioche. On observe aussi des sabotages. Dans ce contexte, la direction essaie de tergiverser, malgré les objurgations du pouvoir qui préfère manier le gros bâton. Et qui a même prononcé la dissolution de la gauche prolétarienne. Oui, c'est alors Raymond Marcellin qui est ministre de l'Intérieur et il est littéralement obsédé par la montée du gauchisme, quitte parfois à en exagérer le danger. Donc, malgré cette pression, la direction de Renault a d'abord hésité à sévir. Mais au début de 1972, la tension est à son comble. Et déjà, des établis ont été licenciés. 2 d'entre eux ont entamé une grève de la faim et ont reçu le soutien d'un certain nombre de personnalités prestigieuses. Oui, dont Sartre. Hein, oui, Sartre, devenu le porte-drapeau du mouvement et qui, à la mi-février, va même pénétrer clandestinement dans l'usine pour y distribuer des tracts. Mmh, une visite très tumultueuse. Il s'en est fallu de peu pour que le vieux philosophe ne prenne quelques mauvais coups. Une semaine plus tard, les chefs de l'AGP, dont Pierre Victor, décident de faire encore monter la pression. À la fois dans la rue, où les manifestants ont prévu de faire face aux forces de l'ordre, avec des armes telles que des cocktails Molotov, mais aussi aux portes de l'usine de Boulogne-Billancourt. C'est clairement, les Mao cherchent l'incident, quoi. Et Pierre Victor l'a dit sans embâge aux militants. Faut que ça saigne. Ce 25 février, donc, en début d'après-midi, un commando se présente devant la grille de la rue Émile Zola. Les chefs de la gauche prolétarienne sont aussi là, mais un peu en retrait. Armés de bâtons, les Mao chargent les vigiles de la régie. La mêlée est extrêmement violente. Et bientôt, c'est le drame. Oui. Alors que le commando refuse, un des Mao continue à faire face. Auvernet. Et Pierrot, comme ses amis l'appellent, n'est pas décidé à se replier. Il a un long bâton à la main. C'est alors qu'un homme se détache du groupe des vigiles. Il a un pistolet au poing et soudain, alors qu'il se trouve à quelques mètres du jeune homme, il tire. Touché au cœur, Auvernet s'écroule mortellement atteint. Le vigile n'était donc pas directement menacé. Non, les photos prises sur le moment le prouvent à l'évidence. Derrière, Pierre Victor, qui a assisté à toute la scène, éclate en sanglots. tandis que les responsables les plus lucides, dont Alain Gesmard, qui vient d'être libéré de prison, retiennent les militants qui veulent venger immédiatement leurs camarades. Dans le même esprit, ils annulent la manifestation prévue le jour même. Ouais, un mort, ça suffit. En effet, la suite, vous la connaissez forcément. Une semaine plus tard, un immense cortège accompagne la dépouille de Pierre Vernet jusqu'au Père Lachaise. On y retrouve la fine fleur de la gauche et de l'extrême gauche. À l'exception des communistes. Naturellement, ouais. Puisque le parti a dénoncé ce qu'il a appelé le crime monstrueux des gauchistes. De nombreux artistes sont aussi présents. On a rarement vu autant de gens défiler dans Paris. Mais en même temps, ce cortège est funéraire à double titre, parce que d'une certaine façon, il signifie aussi la mort de la gauche prolétarienne. Alors, pourquoi ? Parce que certains Mao mettent en cause la responsabilité des chefs. Ce sont eux qui ont conduit Auvernet à la mort. Quoi qu'il en soit, c'est vrai, c'est l'occasion pour les militants d'une réelle prise de conscience. Et ça vaut aux plus virulents d'entre eux de comparaître devant la direction où ils sont l'objet de procès purement staliniens et même de menaces physiques. Et l'assassin d'Auvernet ? Jean-Antoine Tramoni est un ancien militaire. Il soutient qu'il a tiré accidentellement. Mais la justice reconnaîtra sa culpabilité et il sera condamné à 4 années de réclusion. Ouais, ce qui n'est pas forcément très sévère. Mmh. Puis plus tard, il sera assassiné. En 1977, oui. Mais on en reparlera. Mais l'affaire Auvernet n'est pas terminée pour autant. À peine 15 jours plus tard, le bras armé de la gauche prolétarienne, la NRP, Nouvelle Résistance Populaire, enlève un cadre de Renault, Robert Nogrette. Y a-t-il une revendication ? Oui, les ravisseurs réclament que leurs camarades licenciés par la régie soient réembauchés. En tout cas, le kidnapping fait sensation. Et d'aucuns, à commencer par les gens proches du pouvoir, y voient l'émergence d'un terrorisme à l'italienne. Et prônent donc l'accroissement de la répression. Bien entendu, mais ouais. Vous le savez, Nogrette est relâché au bout de 2 jours. 2 jours seulement. Alors que s'est-il passé ? Pierre Victor, alias Benny Lévy, a ordonné au chef de la NRP, Olivier Rollin, de rendre la liberté à son otage. Et Rollin a obtempéré. Est-ce que ça signifie que l'ex-gauche prolétarienne a décidé de renoncer à la violence ? La direction, oui. Mais la libération de Nogrette provoque une vive contestation au sein du mouvement. Pour les moins extrémistes, il aurait fallu prolonger la détention de Nogrette. Et pour les plus enragés, on aurait dû le tuer. Ah oui, pour venger Auvernet. Bien entendu. Une dissidence est donc apparue. Et c'est le commencement d'un engrenage qui mènera finalement jusqu'à l'apparition d'une fraction autonome décidée à faire couler le sang. Les NAPAP, d'abord, c'est-à-dire les noyaux armés pour l'autonomie populaire. Puis les brigades internationales, et enfin Action Directe, autant d'organisations clandestines qui recourront à l'assassinat comme moyen d'expression politique. Oui, mais je reviens, moi, là. À l'enlèvement de ce cadre de la régie, là, vous avez dit la semaine passée que la police disposait de taupes à l'intérieur de la gauche prolétarienne, hein, c'est bien ça. C'est même grâce à ces taupes que d'autres projets d'enlèvement avaient échoué. C'est parfaitement vrai. Alors, dans le cas de Nogrette, la police n'a pas été informée. Non, parce que si le kidnapping a été bien décidé par Pierre Victor, les autres dirigeants n'ont pas été informés. Et il n'y a pas eu de fuite, alors. Et la NRP, bien soudée, échappait à l'infiltration policière. Ouais. On peut en douter, quand même. Enfin, il est peut-être temps maintenant de me parler de ces taupes-là. D'accord. Mais auparavant, je voudrais vous parler d'un fait divers qui va marquer l'histoire de la gauche prolétarienne et nombre de ses militants. Et où cette taupe dont nous parlions va se montrer particulièrement active. Ah oui, je vois, l'affaire de Brouille en Artois. Hein. Oui, mais je vous rappelle, en avril 1972, on a retrouvé dans un terrain vague de cette cité minière le corps dénudé et mutilé d'une fillette, Brigitte de Vèvre, l'enfant d'une très modeste famille de la ville. En lisière de cette friche habite un notaire, Pierre Leroy. Il n'en faut pas plus pour soupçonner ce notable et sa maîtresse d'avoir assassiné la petite après lui avoir fait subir des violences sexuelles. Ouais, la fillette pauvre victime du riche notaire. Le soupçon, puis l'accusation, sont accrédités par un petit juge, comme on disait à l'époque. Oui, le juge Pascal. Pour les Mao du Nord, l'occasion est trop belle. Le crime est non seulement horrible, mais il est social. Et d'en appeler à un tribunal populaire pour juger les monstres. La campagne excessivement violente est relayée par le journal de l'organisation, La Cause du Peuple, où Serge Julie, alors établi dans le Nord, publie des articles incendiaires contre le notaire et sa compagne. Mais c'est là où je voulais en venir. Un autre homme intervient également, Joseph T. Ah oui, la taupe de la police. Oui, Joseph T, ancien mineur et l'un des rares authentiques prolétaires qui fait partie de la direction de la gauche prolétarienne. Le commissaire des RG, Jacques Arstrich, qui a autrefois lutté avec succès contre l'OAS, a été chargé de juguler les menées de la gauche prolétarienne. C'est lui qui a recruté la taupe Joseph T., qu'il appelle Paul dans l'ouvrage qu'il a co-signé avec l'écrivain et journaliste Fabrizio Calvi. Voici ce qu'il en dit. On ne pouvait souhaiter meilleur indicateur. L'homme correspondait parfaitement à l'ouvrier modèle des canons gauchistes. Par la suite, j'apprendrai qu'il était la justification même du bien fondé du combat de certains militants de la gauche prolétarienne. Si des hommes tels que lui rejoignent la GP, n'était-ce pas la preuve de la justesse de leur cause ? Ironie du sort, le seul informateur des RG dans la hiérarchie des Mao est un de leurs rares prolétaires. Pourquoi Paul trahit-il ses camarades de combat ? Officiellement, pour l'argent. Pourtant, au vu du montant de ses primes, quelques milliers de francs, je le soupçonne fort de s'être pris au jeu. S'il existe un informateur de première catégorie qui ne nous coûte pas grand-chose, c'est bien lui. Les motivations de Paul apparaissent d'autant plus difficiles à saisir que les chefs Mao le traitent avec respect, sinon avec déférence. On peut se demander si, au fond, Paul, le prolétaire, ne mène pas une sorte de lutte de classe en livrant au RG les secrets de ces grands bourgeois qui l'ont adopté. Grâce à Paul, nous allons presque tout savoir sur les attentats à l'explosif et les attaques à main armée, planifiées et plus rarement exécutées, par le bras armé de la nouvelle résistance populaire. Ce Joseph T., ancien mineur et qui aurait aussi appartenu pendant la guerre au FTP, jouit d'une grande popularité au sein de la gauche prolétarienne. En raison de sa qualité de prolétaire. Exactement. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la première partie de cet entretien. Pour les maoïstes, le peuple a toujours raison. Par conséquent, Joseph T. est toujours écouté avec attention. Ouais, la voix du bon sens, en quelque sorte. Et lui, homme du peuple, qui ne dédaigne pas la gauloiserie et les plaisanteries faciles, doit trouver un réel plaisir à faire l'objet d'une telle vénération de la part de ces messieurs si instruits. Songez quand même qu'il fera les honneurs de bruyer en Artois à Jean-Paul Sartre. Ouais, parce que Sartre aussi va participer à cette honteuse chasse au notaire. Non, même s'il a accepté de faire le déplacement à la demande de ses bons amis de la gauche prolétarienne, il désapprouvera cette action. Ah oui, quand même. Ouais. Et ici, il me faut faire une courte parenthèse, et ensuite je reviendrai à notre taupe. La campagne de Bruyer en Artois provoque d'un beau tohu-bohu dans l'organisation. Parce que des militants n'approuvent pas ce déchaînement démagogique de haine. Hein. Et le lynchage médiatique du notaire. Certains, et pas parmi les moindres, vont même prendre la porte plus ou moins discrètement. C'est le cas de Ronnie Broman, par exemple. Le futur animateur des Médecins sans frontières. D'autres sont purement et simplement mis sur la touche parce qu'ils ont osé protester. Ainsi, Glucksmann, le Dantec ou Gérard Miller. Autant de gens qui finiront par rompre avec le maoïsme. À mon tour de faire une parenthèse, Pierre-Victor Benilévy a répondu à ses détracteurs par ce texte paru dans La Cause du Peuple. Pour renverser l'autorité de la classe bourgeoise, la population humiliée aura raison d'installer une brève période de terreur et d'attenter à la personne d'une poignée d'individus méprisables. Haï. Un principe de justice populaire qui empêcherait les mouvements naturels de justice de la part de la population serait un principe d'oppression qui reproduirait le principe de tous les appareils judiciaires fondés sur l'exploitation. Il serait extérieur aux masses. Pour nous, la haine de classe est créatrice. C'est le point de départ nécessaire. Après le départ des militants déboussolés par la fin tragique de Pierre Auvernet, on assiste donc à une deuxième et grave fêlure. Et c'est clairement l'autorité dictatoriale de Benilévy qui est une fois plus mise en cause et provoque cette nouvelle hémorragie. Mais revenons à cette histoire de taupe et plus généralement aux manœuvres d'infiltration de la police. Attendez avant d'aller plus loin là. Cette taupe là, comment a-t-il été recruté ? Syndicaliste, il aurait eu tendance à piocher dans la caisse. Ah oui. Et la police lui aurait sauvé la mise ? Bah, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. À partir de là, cette future taupe n'avait plus rien à refuser à la police. Une sorte de chantage, en somme. Mais hein. Ça commence toujours comme ça, pour les indicateurs. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser le fil courir et à dévider la flotte. Et à l'évidence, ce type a été une recrue de choix. Car on ne se contente pas d'en faire un militant modèle, on l'élève aussi dans la hiérarchie de l'organisation. Il fait partie du comité exécutif. Où il est le seul prolo. À vous entendre, on a l'impression que les Mao le considéraient comme une bête curieuse, quoi, le représentant d'une espèce à protéger. Bah, il y avait de ça, et ça lui permettra de parader à maintes reprises. En parlant des manœuvres d'infiltration de la police, là, vous avez laissé entendre que cet ancien mineur n'a pas été le seul espion de la gauche prolétarienne. C'est exact. Un autre militant, un Africain, est lui aussi embauché, si je puis dire, par la police. Mais assez vite, il intrigue ses camarades. Pourquoi, là ? Arrêté, il est très vite remis en liberté. C'est louche, ça. Oui. Alors l'équipe d'Olivier Rollin lui tend un piège et on découvre sur lui tout un appareillage électronique sophistiqué. Un équipement d'espionnage, quoi. Et que lui arrive-t-il ? Il a comparu devant ce que les Mao appelaient pompeusement un tribunal populaire et il a été condamné à mort. Mais sa peine a été assortie du sursis. Et il s'en est sorti ? En effet. Et ça montre la différence entre la gauche prolétarienne et d'autres organisations terroristes comme les Brigades Rouges et la Fraction Armée Rouge, par exemple. En Italie ou en Allemagne, il est probable que ce traître aurait été exécuté. Et ce Joseph T, alors, pour lui revenir à lui, là, il n'a jamais été découvert. Il a fini, je ne sais comment, par être démasqué au début des années 80. Mais le temps avait passé, et les anciens de la gauche prolétarienne avaient pour la plupart renoncé à leurs idéaux révolutionnaires. Par conséquent, rien n'a été tenté contre lui. Et il a fini par mourir de sa belle mort. Il n'empêche que l'existence de ces taupes pose un sérieux problème. Mais quoi ? Si la police, et donc le pouvoir, était si bien informée sur les activités délictueuses des Mao français, pourquoi l'organisation n'a-t-elle pas été totalement démantelée ? Ah, il y a quand même eu des arrestations. Jesmar, par exemple. Jesmar, qui a été trahi par Joseph T. Mais le cerveau de la bande, Pierre Victor, n'a jamais été inquiété. Et pourtant, la police avait fini par l'identifier. Et elle aurait pu le cueillir assez facilement. Alors, vous avez une explication ? Eh bien, je pense, et je ne suis pas le seul, que les Mao pouvaient parfois être utiles. J'ai déjà esquissé cette idée dans la première partie de cet entretien. Oui, la gauche prolétarienne épouvantail. Hein. Oui, un instrument destiné à faire peur aux honnêtes citoyens. Et afin de les inciter à bien voter. J'en suis persuadé. La peur inspirée par les événements de mai 68 n'avait pas disparu. En province, par exemple, on avait réellement cru que Paris était à feu et à sang et que les communistes avaient été à deux doigts de prendre le pouvoir. Mais ça avait provoqué l'incroyable succès électoral de la majorité gaulliste fin juin 68. Hein, la leçon n'avait pas été perdue pour tout le monde. Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, ne cessait d'affirmer qu'il existait des liens entre nos Mao et les organisations étrangères. Des terroristes. Absolument. Alors la tentation était grande de laisser subsister l'idée que la menace était toujours présente. C'était d'autant moins risqué que les autorités étaient parfaitement informées et qu'en cas de véritable danger, il aurait été aisé de décapiter le mouvement Mao et de mettre sous les verrous la plupart des meneurs. Mais là, vous supposez ou vous disposez d'éléments d'information ? Je crois vous avoir dit que Marcellin avait aussi mobilisé le contre-espionnage. Oui, la DST, oui. Et un jeune inspecteur en poste dans l'Est de la France a été chargé de recruter une taupe chez les Mao. Il a fini par trouver Mercier. Un type assez exalté qui était précédé par une réputation assez sulfureuse. De quelle nature ? En mai 68, il avait été un agitateur en vue dans les usines Peugeot. Et on lui avait attribué à tort, ou à raison, la disparition de deux CRS qui auraient été capturés et précipités dans une cuve d'acide. Ouais. C'est vrai cette histoire ? Vous avez remarqué que j'ai employé le conditionnel. Non, à vrai dire, j'ai toujours trouvé ça suspect. Mais à l'usine et dans la région, il était réellement considéré comme un tueur de flics, quoi qu'il en soit. Son engagement en mai 68 lui avait valu d'être viré de chez Peugeot. C'est donc un type aux abois, sans le sou, qui a été approché par ce jeune policier de la DST. Avec succès. Oui. Et il lui avait été demandé de militer chez les Mao. Et c'est ensuite qu'il a été mêlé à une curieuse affaire. Un vrai faux attentat qui aurait pu faire du bruit et pas mal de dégâts. La parution récente d'un livre vient corroborer la thèse de M. X. Intitulée « L'arme à gauche », et écrit sous pseudonyme par le fils d'un ancien inspecteur de la DST, il donne des détails très précis sur la manipulation de cet ouvrier de Peugeot. Interviewé par Mediapart, le père s'explique sur le recrutement de cet indicateur. Je me suis dit qu'il ne fallait pas choisir un étudiant. La gauche prolétarienne voulait du prolétariat, et il fallait un type qui n'avait pas froid aux yeux. J'en ai rencontré des dizaines, mais il me paraissait pâle ou insipide. Nous avions des agents un peu partout, dont un type au commissariat de police de Montbéliard. C'est lui qui m'a donné la fiche de police de Denis Mercier. C'était une tête brûlée. Il avait participé aux événements de juin 68 et avait été un temps arrêté, soupçonné d'être le meneur. Je l'ai approché sans annoncer la couleur, en disant que j'étais journaliste et que je faisais une enquête sur les usines de Sochaux. Au début, j'ai vraiment cru qu'il allait me foutre dehors. Mais nous sommes rencontrés plusieurs fois jusqu'au moment où il m'a vu avec un pétard. Je portais l'arme à gauche. Mais je posais tellement de questions qu'il avait déjà compris. Au départ, il s'acquittait de sa tâche sans état d'âme. C'était tout de même assez confortable. Il était payé par la DST et nous l'avions fait réembaucher aux usines Peugeot avec sa femme, alors qu'après les événements violents de juin 68, ils avaient été virés. Sa mission est devenue plus difficile à vivre quand il a commencé à croire que ces révolutionnaires avaient raison. Il ne faut pas oublier que ces gens qui nous paraissaient violents étaient aussi des sortes de Robin des Bois. Le livre « L'arme à gauche » signé par David Defendi a été publié par Flammarion. Alors cet attentat, de quoi s'agissait-il ? Pour venger l'arrestation de Gessmar, Mercier, chargé par ses chefs de la gauche prolétarienne, de préparer un gros attentat contre une succursale Peugeot de Montbéliard. Dans ce but, il rassemble du plastique, des détonateurs et des bonbonnes de gaz. Et son officier traitant là, de la DST est au courant ? Bah forcément. Il avait reçu l'ordre de ses supérieurs de ne pas intervenir et même d'inciter son indic à passer à l'action. Mais patatras, alors que Mercier et trois de ses camarades débarquent devant la succursale, des policiers surgissent. Des vrais policiers, si j'ose dire. Des vrais policiers. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à la DST. Voilà. Et les quatre apprentis terroristes sont arrêtés. Et leur compte est bon, puisqu'on trouve dans leur voiture tout le matériel destiné à perpétrer l'attentat. Et comment expliquez-vous ça, là ? Oh, c'est très simple. Ces flics locaux avaient bénéficié d'un tuyau et ils avaient pu intervenir à temps. Très embarrassant pour la DST, ça. Hein ? Qui perdait là une taupe très précieuse. Et il était difficile d'expliquer au juge d'instruction que Mercier avait en quelque sorte agi en service commandé. Malgré tout, après avoir passé quelque temps en prison, Mercier sera remis en liberté. Ouais, sur intervention de la DST. Oui. Mais que cachait cet attentat ? Des élections municipales étaient prévues peu de temps après. En haut lieu, on aurait estimé qu'une petite piqûre de rappel sur le danger gauchiste était la bienvenue. Quant à Mercier, libéré mais rancunier, il n'a cessé ensuite de dérailler jusqu'à ce jour de 1973 où sa voiture a quitté la route et s'est fracassée contre un arbre. Un véritable accident ? Bon, écoutez, ne vous faites pas plus machiavélique que vous n'êtes. Certes, la mort de Mercier mettait un point final à ces opérations tortueuses du pouvoir, mais la thèse de l'accident n'a jamais été sérieusement mise en doute. Alors, restons-en là, si vous le voulez bien. Bon, bon. Sans doute, au fil de ce récit, m'avez-vous trouvé bien sévère pour les Mao, mais beaucoup moins que d'autres. Je ne sais plus qui a parlé du crétinisme maoïste. Moi, je sais, c'est l'écrivain Morgan Sportes. J'ai lu son livre sur Auvernais. Sportes, qui voit aussi, alors ça c'est plus bizarre, qui voit aussi la main de la CIA dans le développement du gauchisme en France. Ouais, je n'irai pas jusque-là. Les Mao français, à la différence des révolutionnaires italiens ou allemands, se sont tenus en général à l'écart des influences étrangères. Mais il est exact que les Américains ont sciemment développé ce qu'on a appelé la stratégie de la tension, en Italie surtout, où ils ont infiltré tant les mouvements néo-fascistes que les brigades rouges. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en France, on a échappé aux excès de ce terrorisme ? Une seconde, et je répondrai à votre question. Si j'ai critiqué les Mao, je dois tout de même leur reconnaître un succès de taille. L'éclosion d'une presse originale de qualité, et qui dure encore malgré de nombreuses embûches. Vous voulez parler de libération, là ? Oui, oui. Mais c'est en 1972 qu'un membre du comité exécutif de la gauche prolétarienne obtient de ses chefs de pouvoir créer une agence de presse. L'agence de presse Libération. Et déjà, ce jeune homme, Jean-Claude Vernier, a dans l'idée de lancer un quotidien. Oui, mais les fonds manquent. Ouais, on fera donc appel à quelques mécènes et surtout à la générosité des militants et des sympathisants pour publier le premier numéro en avril 1973. Ouais. Libération est donc une création de la gauche prolétarienne. Hein. Absolument. Ouais. Et ce sont donc des membres de l'AGP qui vont être ses premiers rédacteurs. Un journal où tout le monde, hein, du chauffeur livreur au rédacteur en chef, reçoit le même salaire. Mais petit à petit, sans cesser d'être irrévérencieux, et même provocateur, le quotidien ou le reportage héroïque va s'éloigner du militantisme. Et Serge Julie, son vrai patron, va faire en sorte de se débarrasser des Mao pour produire un journal de professionnels. Mais notez bien que ça coïncide aussi avec l'étiolement de la gauche prolétarienne. Ouais, qui va même s'autodissoudre, hein, c'est ça, à la fin de 1973. Oui, un peu plus de 5 ans après mai 68. Alors pourquoi? Eh bien, les cœurs et les corps sont sans doute fatigués. Et puis c'est l'impasse, la violence ne paie pas. Cette autodissolution s'est faite dans la douleur. Hein. Oui, de nombreux militants n'ont pas compris cette oukase qui venait des chefs. Ils n'en resteront pas là. Alors, je réponds à cette question que vous me posiez. Pourquoi le mouvement n'a-t-il pas basculé dans la violence terroriste? Oui, comme en Allemagne ou en Italie. La première raison, la France n'avait pas connu comme ses deux voisins de régime totalitaire. Ouais, le nazisme et le fascisme. Donc il n'existait pas ce rejet des pères qui a entraîné, par exemple, les jeunes Allemands dans la voie du terrorisme. La meilleure preuve, c'est que l'assimilation des militants de la gauche prolétarienne aux combattants de la résistance a fait un flop. Autre chose, la France a été moins perméable aux entreprises souterraines des États-Unis qui ont implanté un peu partout en Europe les fameux réseaux Gladio, en infiltrant en particulier les services secrets et les organismes de sécurité. Bah, il y a quand même eu un Gladio français. Mais son importance n'a jamais été comparable à ce qui a existé ailleurs. En Belgique, par exemple, et surtout en Italie. En outre, il faut tenir compte de la puissance du Parti communiste français. Et en Italie aussi, il existait un très fort Parti communiste. C'est juste, mais il y avait eu auparavant le fascisme. Alors, en ce qui concerne la gauche prolétarienne, il faut tenir compte d'un autre élément. L'organisation, je vous l'ai dit, a d'abord été farouchement pro-palestinienne et a même entretenu des rapports avec l'OLP. Ouais, à la faveur des luttes de libération anticoloniale. Hein. Ça l'a bien aidé quand elle a essayé de recruter des militants chez les travailleurs immigrés originaires du Maghreb. Mais il y a eu le drame de Munich en 1972. Un vrai choc pour nombre de dirigeants de la gauche prolétarienne, dont beaucoup étaient juifs. C'est à ce moment-là qu'ils se sont posés des questions sur le terrorisme. Et qu'ils ont décidé de rompre avec la violence? Je le crois. Mais certains, je vous l'ai laissé entendre, ne se sont pas satisfaits de cette renonciation et de la dissolution de la gauche prolétarienne. Et puis certains fantômes rôdaient encore. Quoi? Celui de Pierre Vernet, entre autres. Les chefs Mao, le lendemain de sa mort, avaient juré de le venger. Je me souviens d'un texte de Philippe Solers, publié à l'époque, et qui disait à peu près « Camarade Vernet, tu seras vengé ». Et qui mettait aussi en cause l'ennemi capitaliste et révisionniste. Solaire, c'était encore maoïste. Hein. Et le restera jusqu'à la mort du grand timonier. Mais enfin, revenons à Auvernay. Tramoni, son assassin, après avoir effectué sa peine, était maintenant en liberté. Et des militants n'avaient pas oublié cette promesse solennelle. Hein. Même si 5 ans avaient passé. Ils ont décidé de passer à l'action eux-mêmes, puisque la GP n'existait plus. En mars 1977, 2 hommes à moto surgissent devant le domicile de l'ancien vigile. Le passager saute à terre, braque Tramoni et tire immédiatement. 5 balles. Le meurtrier d'Auvernay, pourtant armé, n'a pas eu le temps de réagir. Et cette spectaculaire exécution, car c'était le cas, a été aussitôt revendiquée. Hein. Oui, par les NAPAP, ces noyaux armés dont je vous parlais précédemment. Une organisation encore mystérieuse qui va commettre 7 attentats tout au long de l'année 77. Alors, qui se dissimulait derrière ces NAPAP-là? Bon, on le saura bientôt, puisque certains d'entre eux finiront par être arrêtés. Ce sont, à l'évidence, des héritiers de la gauche prolétarienne. Mais ce ne sont plus des maoïstes. Il y a chez eux une franche coloration anarchiste ou libertaire. Préalablement, on aura vu apparaître une autre organisation, les Brigades internationales, qui frapperont à plusieurs reprises à Paris des diplomates, dont un officier supérieur bolivien impliqué dans l'assassinat de Che Guevara. Cette fois, ça ressemble plus aux méthodes des Brigades rouges italiennes. Hein, certes, mais malgré ces quelques morts violentes, ce ne sera qu'un feu de paille. D'abord à cause des arrestations qui interviendront très rapidement. Et ensuite, parce que ces nouveaux terroristes se refuseront à faire encore couler le sang. Et au fond, il faudra attendre l'arrivée d'actions directes pour qu'un terrorisme bien français frappe chez nous. Oui, mais vous m'avez souvent dit que vous soupçonniez Action directe d'avoir été manipulé ou d'avoir agi pour des commanditaires. Ah ben, je n'en démords pas, mais il est quand même frappant de constater que l'assassinat en 1986, je crois, du PDG de Renault, Georges Besse, sera revendiqué par un commando Pierre Vernet, comme si la filiation ne s'était jamais éteinte. Ouais. Alors, le maoïsme à la française, est-il bien mort ? Au niveau des organisations, bien évidemment. Plus aucun parti ou même groupuscule ne se réclame de la pensée de Mao et de son bréviaire, le petit livret rouge. Mais sur le plan des idées, il en va autrement. Savez-vous, par exemple, qu'Alain Badiou, un philosophe réputé qui dispense des cours d'ulm à l'école normale supérieure, réclamait en 2007 que les textes de Mao soient étudiés par les candidats à l'agrégation. Pour terminer, je vous propose ces lignes que j'ai trouvées chez Christophe Bourseiller et qui cite lui-même un ancien marxiste-léniniste. La Chine de Mao donne des crédits à l'utopie. Après Mao, ça ne fonctionne plus. L'utopie ne s'y projette plus. Et Bourseiller de conclure, que reste-t-il du maoïsme sans Mao? Rien qu'un communisme aux contours mal définis, teinté de populisme, de tiers-mondisme, tiraillé entre des aspirations libertaires et autoritaires, ne trouvant plus sa place sur l'échiquier politique. Quelques livres pour finir. D'abord, l'indispensable ouvrage de Christophe Bourseiller sur les Mao français que je viens de citer et qui est republié en poche dans la collection Point, puis « Ils ont tué Pierre Auvernet » de Morgan Sportes chez Grasset, « L'arme à gauche » déjà citée, Hergé, 20 ans de police politique de Jacques Arstrich et Fabrizio Calvi, et l'organisation, le récit passionnant et plein d'humour de Jean Rollin sur son passage à la GP. Et enfin, de Virginie Linhart, Le jour où mon père s'est tu, un récit très émouvant écrit par la fille de Robert Linhart, qui a sans doute été le personnage emblématique et le plus brillant de feu la gauche prolétarienne.